Il revient l'air de mes souvenirs. Il me tient, il me fait souffrir. Il revient pour me parler de toi. Il se plaint, n'entends-tu pas sa voix? Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il revient, il dit que j'ai eu tort. Il me tient un peu comme un remords. Cet air obsédant à tout jamais nous lie. Il se plaint, le voilà qui supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Il me crie sans fin, pourquoi m'as-tu quitté? Il se plaint sur un air de regret. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Adieu, croyant trouver l'oubli. On revient, c'est moi qui t'en supplie. Waouh, waouh, waouh, waouh.